Chapitre 29e. La poitrine trouée. De bonne heure, M. Brudeau et M. Gélinaire, qu'accompagnait le docteur Robert, vinrent chercher leur client. La betterave finissait sa toilette. « Eh bien, lui demanda-t-on, avez-vous bien dormi ?»« Oui, je me sens bien. » Mais il avait beau faire, il était fortement ennuyé. Pour lui, le réveil avait dû avoir une grande analogie avec le réveil du condamné à mort. Mais il faut le reconnaître, il montrait grand courage d'aller résolument au-devant de l'épée infaillible et, hélas, implacable, du comte de la Guérinière. La rencontre eut lieu vers 10 heures. Elle était absolument privée. Pas de public, personne, le comte y tenait. « On m'accuse, dit-il, d'être un cabotin du duel. Je ne veux pas de ça. » Cependant, Raoul, dans une des pièces de la maison de la propriété, se tenait caché derrière un rideau. D'autres personnes qu'il ne connaissait pas s'y trouvaient également derrière les autres fenêtres, des amis du comte, sans doute. Et certainement, Paulin Broquet et ses hommes devaient se tenir dissimulés par là aussi, dans les bosquets, dans les écuries. Les combattants gardaient seulement une chemise molle et portaient le gant sans crispin. On espérait que, généreux pour une fois, en face d'un adversaire aussi peu expérimenté que ce jovial usinier, le comte se contenterait pour son honneur de lui faire une légère piqûre au bras. Mais les témoins seuls de la betterave osaient souhaiter cela. Quant à ceux qui connaissaient le comte, ils n'avaient aucune illusion. Le comte parut le premier sur la piste. Comme toujours, il était beau sous les armes, bien campé, un peu pâle comme il convient, mais souriant et sûr de lui. La betterave se montra peu après, fort pâle, exsangue entre ses deux témoins, grassouillet, replet, marchant à contre-cœur et gardant la tête penchée, le nez à terre, très ennuyé, et s'attendant à quelque mauvais coup. En ce moment, certes, il eut lancé au diable Lucette Minois et son sourire. Il pensait sans doute que pour avoir envoyé des fleurs à la divette, on allait probablement demain en jeter son cercueil à lui. Peu gaie perspective, pauvre betterave. Les épées flambées par les docteurs et mises aux mains des combattants, le directeur du combat, qui n'était pas cette fois le décoratif baron Dupont, demanda, selon la règle, « Êtes-vous prêt ?»« Oui, » répondit le comte d'une voix ferme. « Parfaitement, monsieur, » balbutia l'usinier. « Allez, messieurs, » prononça solennellement le directeur du combat. Le comte de la Guérinière prit la pose du tireur consommé, s'apprêtant à tâter son adversaire avant de lui allonger la touche comme il lui plairait. L'usinier, lui, mal assis sur ses jambes, tenait son épée comme un cierge et semblait vraiment ne pas trop savoir qu'en faire. Aussitôt, le comte, en souriant, commença l'attaque, mais soudain, instinctivement sans doute, cependant avec une habileté et une chance inouïe, la betterave para les attaques et tint son épée pointe en ligne. On comprit alors que la betterave tout de même se défendrait mieux qu'on ne le supposait et que le comte n'embrocherait pas une misérable mazette. Le comte renouvela ses attaques. Il pressa son adversaire. La betterave rompit et se tint hors d'atteinte, la pointe bien en ligne toujours. Le comte manqua chaque fois ses attaques. Des parades, qui avaient l'air naïves, ridicules, détournaient son épée. La betterave, sans se départir de son air lourdeau, de son allure timide, parait avec une précision admirable, mais ne répondait pas, semblait ignorer la riposte, comme il ignorait certainement l'attaque. Mais son épée insaisissable ne permettait aucune prise de fer. Maintenant, le comte s'énervait. Il se sentait ridicule, lui, le fin escrimeur, d'être tenu en échec par ce sucrier. Il crut qu'il devait cela à ses attaques, faites seulement pour piquer un peu le bras, et retenues, peu décisives par conséquent. Alors il résolut de ne plus ménager son adversaire. À la seconde reprise, il attaqua plus vigoureusement. Il chercha le corps, la blessure grave, mortelle. Mais il rencontra une lame qui formait devant l'usinier comme un rideau impénétrable. L'épée de la betterave avait l'air d'un bouclier d'acier qui écartait l'épée adverse. Le comte, maintenant furieux, essaya des coups qu'il réservait pour les adversaires très forts, des coups de surprise, des coups même que le code de la loyauté ne consigne pas. Rien n'y fit. La surprise, la violence, se butait devant cette épée mue par une main merveilleuse et comme inconsciente de sa valeur. Cela tenait du prodige. Le comte essaya une prise de fer à laquelle jusqu'ici personne n'avait résisté. Il prit le fer de la betterave, le maintint, appuya, il se baissa, fit glisser son épée, et sûr du coup maintenant, s'élança. C'était le coup de la flèche humaine. C'était un coup à faire poser sa coquille sur la poitrine de son adversaire. Il y eut en effet un cri de terreur. On crut la betterave traversée de part en part car les deux hommes se touchaient maintenant poitrine contre poitrine. Une épée tomba à terre. Celle du comte de la Guérinière. La betterave fit un pas en arrière. Il tenait à la main son épée rouge et un large morceau de la chemise du comte accroché au pommeau. Son épée était entrée jusqu'à la garde, dans le côté droit du comte de la Guérinière. Le comte chancela. Avant que les témoins atterrés aient eu le temps de se reconnaître, d'intervenir, il tombait à terre sur le dos, les bras en croix, la poitrine nue. Un trou triangulaire laissait couler par secousse un filet de sang. Et cette poitrine, que regardait attentivement la betterave, la poitrine du comte de la Guérinière, ne portait pas la marque indélébile que lui avait imprimée Paulin Broquet.